Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour tout le monde, bon réveil sur France Culture, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le vendredi 4 décembre et au programme notre série consacrée aux écrivains face à la nature et aux écrivains militants de l'écologie. Depuis lundi, notre tête chercheuse, l'écrivaine et journaliste Elisabeth Combre est avec nous pour la série Climat littéraire. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode. Et puis en deuxième partie, nous rendrons hommage à un des pionniers justement du combat écologique, Pierre Fournier. Et c'est Delfeuille de Ton qui sera avec nous ce matin pour en parler. Delfeuille de Ton qui signe la préface d'un bel ouvrage édité par les Cahiers Dessinés qui reprend justement les routes de l'adolescent Pierre Fournier dans la France des années 50. This bitter earth bears, and if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose. Climat littéraire, cinquième et dernier épisode avec notre tête chercheuse de la semaine, Elisabeth Combre, pour accompagner la COP21. Nous écoutons plutôt les écrivains qui, au fil du XXe siècle, se sont investis dans ce combat. Un combat qui devient crucial dès les années 60, Elisabeth Combre. Oui, avec une écrivaine qui est aussi une biologiste, qui s'appelle Rachel Carson, qui publie en 1962 son Silent Spring, le printemps silencieux, qui est le printemps quand tous les oiseaux sont morts à cause des pesticides. Donc elle imagine les effets à long terme des produits, du DDT en particulier, sur les cultures. Elle décrit à la fois en scientifique mais aussi en poète cette situation de destruction des insectes et des effets négatifs sur l'humain. Son livre va entraîner, quelques années après sa mort d'ailleurs, par cancer, mais son livre va entraîner l'interdiction du DDT aux États-Unis. C'est un livre qui a eu, c'est un des textes écologiques les plus importants de l'histoire du mouvement écologiste aujourd'hui. Il va influencer de nombreux mouvements dans le monde et en particulier aux États-Unis. Donc ça, c'est un point très important de la naissance du mouvement écologiste aux États-Unis et dans les autres pays. Jim Harrison fait partie de ce qu'on appelle la bande du Montana, ces écrivains du Montana. Aujourd'hui, le centre névralgique de la littérature de nature aux États-Unis, c'est le Montana. Ils sont nombreux. Jim Harrison, alors il y a plusieurs tendances dans ces écrivains. Il y a ceux qui sont contemplatifs, voilà. Qui rendent hommage à la nature. Voilà. Mais ce n'est pas tout à fait le cas avec Jim Harrison. Hein. Non, non. Mais Jim Harrison est en colère contre tout le mal fait à la nature américaine et aux premiers habitants du continent américain. Il est dans une démarche effectivement écologiste. Mais dans les écrivains du Montana, il y en a qui sont dans encore plus actifs que Jim Harrison, mais qui se sont inspirés de Jim Harrison. Je pense à Rick Bass, par exemple, qui est donc de la génération suivante, et qui est géologue au départ. On a ce croisement entre science et littérature dans tout ce qui est écriture de nature. Il est géologue et son premier ouvrage s'appelle Winter et raconte son installation dans la vallée de la Yaak et de sa découverte de l'hiver. C'est un homme du Texas, il découvre l'hiver dans le Montana. Rick Bass, lui, comme de nombreux écrivains écologistes américains de ce qu'on appelle cette école du Montana, raconte une fusion avec la nature. C'est pas l'homme dans la nature, c'est l'homme et la nature sur le même plan. Ces écrivains américains baignent dans la nature. Ils sont à la fois des écrivains et des hommes des bois, entre guillemets. Hein. C'est cette figure de l'homme dans l'espace sauvage. Ils adaptent leur vie au milieu naturel. Ils ont une relation physique avec la terre. Ils chassent, ils pêchent. Ils assument leur position de prédateur tout en préservant la vie naturelle, la vie sauvage. Et est-ce que aujourd'hui cette tendance de la littérature américaine, que ce soit à l'école du Montana ou ailleurs, est-ce qu'elle est toujours aussi vivante? Oui, plus que jamais. Et elle est en train de trouver des voies nouvelles qui renvoient d'ailleurs à Henri David Thoreau, avec quelqu'un comme Annie Dillar, qui est une américaine aussi, et Barry Lopez. Enfin, ils sont nombreux, où il semble que la solution passe aussi par des communautés de petite taille, installée, vivant en lien direct avec la nature. Il y a quelque chose, et avec une dimension de contemplation, et de retrouver un peu la source de l'humanité au cœur de la nature. Mais ce retour à la Terre n'a rien à voir avec toutes les utopies des années 60. Non, on n'est pas dans la communauté hippie, dans cette utopie-là, mais on est dans des, quand je dis communauté, des petits groupes humains qui sont dans des villages établis, mais qui partagent, il y a une solidarité et qui partagent, qui vivent en harmonie avec leur terre. Et en France? En France, le mouvement écologiste est né dans les années 60, aussi avec ce lien avec la science. Pierre Fournier a été inspiré par cette revue créée par le mathématicien Grothendieck, et tout ce mouvement des scientifiques refusant cette science qui est potentiellement destructrice de la nature et des humains, avec le rejet du nucléaire. Pierre Fournier, on en parle dans un instant avec Delfeuille de Ton, qui signe, qui l'a connu, et qui signe la préface de ce très beau recueil de dessins édité par les Cahiers Dessinés. Pierre Fournier sur les routes de France en 1950, entre 52 et 54, quand il était adolescent. Très bel ouvrage. Merci beaucoup, Elisabeth Combre, d'avoir été avec nous depuis lundi pour cette série consacrée aux écrivains face à la nature. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Florence Tinard, entre autres, d'un ouvrage sur le réchauffement climatique édité en 2009 par Gallimard Jeunesse, et que votre dernier livre paru, édité par Plume de Carotte, a pour titre « Quand la nature inspire les écrivains ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à vous. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Delfeuille de Ton. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Vous venez pour Pierre Fournier, oui. Les Cahiers Dessinés sur, oui, les routes de France, c'est-à-dire la France de la jeunesse de Pierre Fournier, 1952-1954. Mais comment avez-vous connu Pierre Fournier? Je l'ai connu à Harakiri. Quand je l'ai connu, il n'y avait que Harakiri. Il n'y avait pas l'hebdo, il y avait le mensuel Harakiri, quoi. Le Harakiri de la légende Harakiri, le journal Bête et Méchant. Donc il n'y avait pas encore d'hebdo. C'était avant 68, c'était en 67. Et c'était un petit mensuel, quoi, qui ne nourrissait pas son homme. Et Fournier travaillait à la caisse des dépôts et consignations. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il était dans un bureau, quoi. Il s'embêtait. Et son projet avait été de devenir un artiste peintre ou quelque chose comme ça, quoi. Pourquoi ça, c'était pas possible. Et il avait présenté des dessins à Cavana pour Harakiri, bon, et Cavana lui prenait les dessins. Et donc il faisait partie de l'équipe, ou la bande, comme on disait, d'Harakiri. Mais on ne le voyait pas souvent, parce que il était dans sa caisse des dépôts et consignations, et il fallait que le soir il rentre dans sa banlieue, c'était à Vigneux, À l'époque, c'était pas le RER, il y avait des trains avant 68, il y avait les trains de banlieue, c'était pas comme maintenant, c'était aux heures creuses, c'était un par heure. Bon. Et donc, il avait pas beaucoup de temps, il avait trois enfants, pour traîner avec les copains. Donc, il faisait guère qu'entrer et sortir. Mais ses entrées se faisaient remarquer, parce que il était habillé en employé de bureau modèle, avec cravate, etc. Nous, on n'a pas de cravate. Il y a 60 ans que je n'ai pas de cravate. Et puis surtout, il venait, il avait un fil à provisions, et dedans, dans le fil à provisions, il y avait des carottes, il y avait des poireaux, des navets, les poireaux... Qui dépassaient. Parce que, déjà, à cette époque-là, il achetait du bio. Alors que le mot bio voulait rien dire. Vous auriez dit bio à n'importe qui dans la rue, vous auriez regardé, il aurait dit c'est un chinois, quoi. Et il avait été élevé dans cet esprit. Et alors, le livre dont on va parler, là. Sur les routes de France. L'éducation qu'il a reçue. L'éducation qu'il a reçue, c'est une éducation de deux instituteurs. Son père était instituteur, sa mère institutrice. Ils étaient végétariens. Ils ont fait de leurs enfants des végétariens. Et le livre là dont il est question, qui s'appelle Sur les routes de France, c'est effectivement un voyage de 40 jours, je crois, sur les routes qui partent de Pondin, en passant par Arcachon, en descendant à Biarritz, en prenant toute la côte méditerranéenne et en arrivant à Mont-de-Lieu, à Cannes, à Mont-de-Lieu, etc., là où le voyage est terminé. On a mis une quarantaine de jours en dressant la tente tous les soirs. Ils étaient cinq, donc il y avait trois enfants. Lui, il avait 14-15 ans et puis il avait deux petites sœurs. Il y avait une tente unique. C'était pas les tentes qui se montent comme ça en appuyant sur un bouton comme maintenant. Il fallait vraiment la monter, planter les piquets, etc. Et il changeait de campement tous les soirs. Il n'allait pas dans les terrains de camping, il campait toujours au bord de l'eau, mais des eaux qui n'étaient pas polluées à l'époque. Alors au bord de la rivière, au bord des lacs, au bord des étangs, il trouve toujours de l'eau. Et puis au bord de la mer, quand ils sont au bord de la mer. Et ce voyage est destiné à se terminer là, dans un endroit où on va camper vraiment, mais surtout à rejoindre Célestin Freinet, qui était un pédagogue qui avait une pédagogie, c'est la pédagogie Freinet, quoi, qui était une pédagogie d'avant-garde, et il réunissait ses, entre guillemets, disciples, dans sa maison qu'il avait du côté de Cannes, et donc le but de ce long voyage était de rejoindre Célestin Freinet. Et de ce long voyage, qui était en 52, il avait donc 15 ans, c'est la France de la juste après-guerre. Et donc, il a fourni part avec des cahiers de dessin, et tous les jours, il dessine l'étape. Un journal. Il raconte le voyage. Et le livre, c'est le rassemblement des cahiers de dessin d'un garçon de 15 ans en 1952 qui décrit, qui montre le voyage d'une famille française, d'une famille modeste, une famille d'instituteurs, dans la France de 1952. C'est une France où il y a des prêtres en soutane, c'est une France où les entrées des villes ne sont pas barrées par des marchands de moquettes et de canapés en faux cuir, c'est la France où il y a des marchands de sabots, où il y a des épiceries dans le moindre village, c'est une France où il y a des charrettes, où il y a des poules qui traversent la route et qui se font écraser par les voitures, où il y a des pompes à essence partout, où il y a pas aucun supermarché, il y a pas d'autoroute. C'est un voyage, c'est la France. 1952, c'est l'année où étaient tournées les vacances de Monsieur Hulot. C'est la France de Monsieur Hulot. Et là, c'est vu par un dessinateur qui fait pas de l'humour, il fait un humour familial, quoi. Mais c'est un gars qui est rentré à Harakiri, donc il a quand même une certaine forme d'humour, de vacherie, d'un regard assez pointu, assez acéré, et c'est passionnant à voir parce que il y a ses réflexions, il est devenu Fournier. Plus tard, dans les années 70, il est devenu un des premiers écologistes de France. Il est devenu un espèce de leader de l'écologie. Moi, j'ai appris le mot écologie par lui. Le mot n'était même pas dans le dictionnaire à cette époque-là. Et il était devenu, le gourou, c'est beaucoup dire, mais disons le prophète anti-nucléaire, tous ces combats qu'on mène maintenant pour avoir des eaux pures, de l'air pur, etc., il les a menés dans les années 70. Mais quand on les menait dans les années 70 et qu'on organisait des manifestations, on vous envoyait les CRS qui vous tapaient sur la gueule, qui vous lançaient des grenades, qui arrachaient des pieds, etc. C'était l'époque héroïque, c'était pas l'époque des sénateurs écolos. C'était l'époque des gens qui y croyaient, des purs et durs. Et Fournier, à cette époque-là, juste avant de mourir, puisqu'il est mort, à 36 ans, 35 ans, était devenu un peu le porte-voix de tout ce mouvement. Et là, on le voit se plaindre d'EDF, mais il se plaint pas d'EDF à cause du nucléaire, il se plaint d'EDF à cause des pylônes. EDF commence à mettre à installer ces énormes pylônes qu'on voit encore, qui doublent agréablement les éoliennes. C'était une nouveauté à cette époque-là, ces grands pylônes métalliques, parce que l'électricité jusque-là c'était des poteaux en bois. Bon. Et alors ils n'ont pas tellement arrangé les paysages avec leurs pylônes. Alors on le voit déjà à 15 ans qui commence à Il regarde la nature avec le regard d'un jeune adolescent, garçon qui la découvre, ouais. et des parents instituteurs qui devaient très probablement leur faire reconnaître les fleurs, les plantes. Ils ne devaient pas confondre l'orge et le blé. Et puis quand ils campent au bord de l'eau, il y a les pêcheurs qui sont là. Mais c'est des pêcheurs qui pêchent pas pour rejeter le poisson parce qu'il est immangeable, parce qu'il est contaminé. Ils le pêchent pour le consommer. Alors on est poli. C'est une France encore courtoise, c'est-à-dire que on ne dérange pas le pêcheur, on fait silence parce que le poisson, sinon ça le fait fuir. Outre le dessin, donc le journal dessiné de Pierre Fournier, il y a aussi les photos, donc ça. Les cahiers devaient être conservés précieusement dans la famille, et alors on y mettait dans le cahier, on collait les photos, quoi. C'était une époque où les photos étaient pas stockées dans un téléphone. Les gens avaient des grands albums où on collait les photos, etc. Bon, ben là, il y avait des photos qui étaient collées dans les cahiers. Il y a 6 cahiers, là. Donc, il y avait les photos et l'éditeur, Frédéric Pajac, a reproduit les photos. C'est-à-dire qu'on voit à la fois, la photo et on voit le dessin. On les voit monter la tente, dessiné, mais puis on voit la tente monter. Et on voit la voiture. C'est quand même des voitures, elle datait de 1932, sa voiture. Elle avait 20 ans. C'était une époque où on n'envoyait pas à la casse les voitures quand elles commençaient à s'user. Des voitures, pour avoir une voiture, en 52, il fallait 2 ans d'attente. C'était comme pour le téléphone, il fallait 3 ans d'attente. Il fallait du piston, en plus. Donc, les voitures d'avant-guerre continuent à circuler. Lui, il avait acheté une voiture qui avait dû être une voiture un peu luxueuse. Elle avait le volant à droite, c'est-à-dire un volant à l'anglaise. C'est pas très pratique, le volant à droite, non, sur les routes de France. Mais quoi, il avait ça. Donc ça avait dû être la voiture d'un snob. Bon, elle avait échoué chez un couple d'instituteurs. Mais c'était des grandes voitures, angle droit, quoi, où on pouvait se tenir debout à l'intérieur, quoi. C'était confortable. Les sièges étaient confortables. C'était du tissu. C'était pas, quand il faisait chaud, ça collait pas aux fesses, quoi. Pierre Fournier, sur les routes de France, la France de l'après-guerre, et juste avant les 30 Glorieuses. C'est un document hein, que de retrouver ce journal, ces cahiers dessinés de Pierre Fournier. C'est édité par les Cahiers dessinés, ça je l'ai déjà dit. Delphine de Ton, vous signez l'introduction de ce beau livre. Est-ce que on peut parler du sentiment que vous avez eu en plongeant dans cette France-là? Est-ce qu'on peut parler de nostalgie heureuse, comme d'autres parleraient de nostalgie malheureuse? C'était différent. C'était différent. C'était parce que bon, c'était bien gentil. Il y avait des épiciers dans les villages, mais dans les épiceries, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et puis les gens vivaient moins longtemps. À l'âge que j'ai maintenant, tout le monde était mort. Hein. C'était pas le paradis sur terre. Alors, bon, on sortait d'une guerre. On est en train d'y retourner, mais quoi. Parlez pas de malheur de vos matins. Il n'y a pas à avoir la nostalgie, c'est autrement. Enfin, pour terminer sur Pierre Fournier, sportif, écolo avant l'heure, son dernier coup de gueule en 73, juste avant de mourir, c'était contre l'antipollution et surtout contre les discours qu'il y avait déjà à l'époque, puisqu'il disait « On s'enferme dans l'antipollution, jamais on ne remonte aux causes, jamais on va assez loin, ni dans l'information, ni dans l'explication. » C'était en 73, c'est toujours d'actualité. Est-ce qu'il avait le sens de l'humour, Pierre Fournier, d'Effet de Ton? Ça c'est sûr. Quel genre d'humour? C'est sûr. Il vous montrait, par exemple, il y avait un superbe paysage, puis il y avait un bourgeois enrichi, mais un bourgeois, pas un grand bourgeois, le petit bourgeois, quoi. La France, c'était la France des Trente Glorieuses. Bon, hein? Donc c'était, les gens s'enrichissaient et ils construisaient. Et alors, dans le beau paysage, en haut du paysage, il fourrait son pavillon, quoi. Il était content. Et puis il regardait et il disait, ça va prendre de la valeur. Et alors ça, c'est, moi, j'adorais quand il faisait dire à son personnage, ça va prendre de la valeur. Parce que on voyait bien que le truc, dans 30 après, ce serait bon à être d'abord désamianté, démoli, quoi. Bon, c'était évidemment pas, ça n'a pas pris de la valeur. Et c'est devenu laid, ça s'est retrouvé dans des régions désertées. Bon, quoi, il aurait fallu parler du film Farbik à la même époque. Le film Farbik, c'est les mêmes années, et on voit dans Farbik, Fournier n'en parle pas, mais on voit la France qui s'électrifie dans les années 50. Parce que les fermes, on parle de la disparition des fermes, mais les fermes, au début des années 50, énormément de fermes n'avaient pas l'électricité. Et il faut avoir la nostalgie de ça, je crois pas. Hein, c'était des vies épouvantables qui menaient dans les fermes. Alors évidemment, maintenant vous avez les élevages de, mais quoi, les, je sais pas si vous êtes allé dans des fermes où il y a les cochons dans la cour avec les déjections, les canards, les poules, ça puait. On s'enfonçait jusqu'à la cheville. À l'intérieur, ils avaient des petites fenêtres de rien du tout. C'était pas aéré. Ils vivaient pas vieux. C'était bien pour eux. C'était pittoresque pour les gens qui venaient le mois d'août, mais qui rentraient dans la ville après. Mais pour ceux qui y étaient, c'était infernal. C'est pas pour rien que les campagnes se sont désertifiées, parce que les gens ont fichu le camp. Hein. La première chose qu'ils ont fait, c'était des réfugiés de l'intérieur. Hein. On parle maintenant des réfugiés, mais les réfugiés ils viennent de plus loin parce que on voyage plus facilement. Mais il y a toujours eu des réfugiés. Alors on les appelait pas, comme on dit maintenant, je veux pas dire les noms péjoratifs qu'on donne aux populations qui viennent nous voir, mais on disait les ploucs. Mais c'était le même état d'esprit. Sur les routes de France de Pierre Fournier, réédité, une très belle édition d'ailleurs, des cahiers dessinés. Merci Delphine de Ton. On passe à l'interview de votre humeur du jour. Trois questions dans la petite boîte. Alors j'ouvre. Alors qu'est-ce que je fais? Je les tire et puis. Et vous les disiez, vous répondez. Mais je ne choisis pas, j'en prends trois. Ouais. Mais je l'ai vu, mais comme ça, au hasard. Ah oui, bien sûr. Oui. Et je suis obligé de répondre. Non, j'ai le droit de dire. J'ai le droit de dire merde. Merde, c'est une réponse. C'est une réponse. Je pourrais vous dire trois fois merde. Alors. Que lisez-vous en ce moment? Eh bien, je. D'abord, je lis toujours plusieurs livres. Et là, je suis dans la correspondance de... Je dis la vérité, hein, je suis dans, parce que je dois faire une note pour le Nouvel Observateur, dans la correspondance de Céline avec Pierre Meunier. Et alors ? Pierre Meunier étant le jeune homme qui s'est occupé de Céline juste au moment où il est arrivé au Danemark, après qu'il soit sorti de prison en 47, et qui a été le premier à rééditer Céline. Et c'est Céline, bon, exilé, banni, tout ce qu'on veut, persécuté. Il a passé quand même 18 mois en prison. Et il a maigri de 30 kilos. Il est devenu le vieux Céline, quoi, le Céline qu'on connaît maintenant, alors que c'était le bel homme. Et il fait confiance à ce jeune homme qui a 23 ans. Et qui est un dessinateur humoristique, un peu comme Fournier. Il travaillait dans le journal, Aux Écoutes, qui était le journal de Paul Lévy. Et Paul Lévy avait, qui est juif comme on peut s'en douter, donc c'était juste après la guerre, et Paul Lévy avait le seul journal qui défendait Céline à l'époque. Deuxième question, quelle feuille de ton ce matin ? À qui pensez-vous le plus en ce moment ? Bah écoutez, cette nuit j'ai pensé à une de mes cousines qui est morte avant-hier, et qui avait en 52, moi j'avais quel âge en 52, j'avais 18 ans, elle en avait 21, c'était ma plus jolie cousine, et ben voilà, elle s'appelait, on l'appelait Nanny, c'est pas, peu importe son prénom. Troisième et dernière question. La dernière. Quel temps fait-il dans votre tête ? Ça veut dire quoi ça ? Est-ce que ça veut dire c'est l'hiver ou c'est le printemps, c'est ça ? Quel temps fait-il dans ma tête ? Bon, il fait beau temps, hein. Allez. Oh bah, vous êtes en forme ! Et on termine avec la voix de Delphine de Thon, notre invitée ce matin, qui va faire notre générique de fin. On voit, vous ferez votre montage, hein. Bon, j'imagine. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine, de 6h à 6h30. Et quand vous voulez... Et quand vous voulez, avec... Oh là là, comment c'est tourné, ça ? Et ben... Ben, je dirais plutôt, et vous pouvez aussi l'écouter en ligne, et sur le podcast de franceculture.fr. Voilà. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Tefik Hakem, préparée avec Pascaline Bonnet. Au son, Tristan Gratalon, à la réalisation, Thomas Duterre. Merci, Delphine de Thon. Vous avez fait un excellent téléspeaker. La semaine prochaine, une nouvelle tête chercheuse, Nikita Rich, historien, pour nous parler du chocolat. Le chocolat, toute une histoire qui commence en Amérique du Sud et qui se termine dans les supermarchés aujourd'hui. On en parle donc dès lundi avec Nikita Rich, auteur d'une première encyclopédie entièrement consacrée au chocolat. Et les invités d'actualité pour la semaine prochaine, Claire Bretéché, Lamia Ziadeh, le rappeur Aurel San, Emmanuel Courrèges, Cyril Pommez et Jean-Pierre Filiu. Merci, bonne matinée et à lundi.